Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Seigneur, nul t'était ta grâce, Seigneur. Ton amour et ta fidélité à la croix. Où serions-nous? Aujourd'hui, par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons proclamer, éternel Dieu, que ta mort à la croix était pour nous la vie. Alléluia. Ta tristesse pour nous et tes pleurs à la croix étaient pour nous la consolation. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons t'abandonner, Seigneur, nos vies, t'offrir nos cœurs, notre corps, notre âme et notre esprit. Et dis oui à ta présence. Oui à ta présence. Oui à ta présence, Seigneur. Yeah. mon âme a soif de toi ce soir. Mon esprit en moi te cherche. Nous voulons être inondés de ta présence. Être en ciel, t'adorer. Morning.